Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe le contenant, c'est le contenu qui compte, mais pas toujours. Oui, parfois l'ivresse vient du récipient lui-même. C'est le cas avec les coupes d'apparat. Par exemple, la coupe de Césarée de Palestine, un bol de 20 cm de diamètre et de 8 cm de haut. Elle est en bronze, incrustée de différents alliages. Elle représente des scènes qui commémorent la fondation de Césarée de Palestine. Aujourd'hui, c'est en Israël. C'est une coupe réalisée au 4e siècle après Jésus-Christ qui a été retrouvée à Beyrouth. Et aujourd'hui, elle se trouve au Louvre, à Paris. Rien d'étonnant que les collections de nos musées soient riches d'œuvres venues du Levant. Le Levant qui a connu une pluralité d'influences artistiques puisque Beyrouth a été sous la coupe des grandes puissances de Rome à l'Empire Ottoman. Et à Beyrouth même, le musée national expose des trésors venus de Beyrouth bien sûr, mais aussi de Tyr, Byblos, Sidon. D'autres musées proposent d'autres trésors venus eux aussi de l'Antiquité et puis des œuvres contemporaines, par exemple au musée Sursok. Mais à force de guerre, de reconstruction malhabile et d'explosion récemment, comment conserver le patrimoine beyrouthain ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire, Beyrouth, histoire d'une ville, le patrimoine d'une ville mémoire. Oui, Beyrouth a été meurtrie, bien sûr, mais son patrimoine est riche, ne serait-ce que parce que Beyrouth est une ville millénaire, un port phénicien. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, Beyrouth est un carrefour d'influence, sous domination romaine, ottomane, une ville riche d'histoire, complexe. Nous avons parlé de cette histoire dans des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien à réécouter en podcast, c'est la balade de diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, pour nous parler du patrimoine à Beyrouth, avec nous Marielle Pic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice générale du département des antiquités orientales au Louvre. Le mot « déjà » évoque quelque chose d'extrêmement vaste. Il faut le dire, ce département au Louvre est un département très important, celui des antiquités orientales. Nous avons tous des images en tête. J'espère. Effectivement, c'est un département immense, parce que nous avons pratiquement 30 salles consacrées en fait à toutes les différentes civilisations, aussi bien en Mésopotamie qu'au Levant. Et entre autres, vous parliez de Beyrouth et du Liban. En fait, c'est une connaissance que nous avons depuis 1852, puisque le premier sarcophage est arrivé au Louvre en 1852, sarcophage en marbre. Et nous avons aussi ce fameux sarcophage d'Esmounazar, qui est donc arrivé, lui, en 1855. Et une chose, vous rappeliez mardi dans votre émission, l'intervention française en 1860. Et en même temps, dans ses bagages, il y avait Ernest Renan, qui en fait a consacré beaucoup de temps de sa vie aux études phéniciennes. Et c'est vraiment grâce à lui qu'il y a une collection magnifique au Louvre sur les Phéniciens, au moment où on pouvait effectivement acquérir sur place un certain nombre d'œuvres. Ensuite, il y a eu les fouilles de Byblos qui ont commencé en 1921, donc sous le mandat dont vous parliez mardi, avec donc un partage qu'on appelle partage de fouilles, où effectivement il y a eu un accord avec le Liban pour avoir un certain nombre d'objets venant de Byblos. Et je voulais renoter par rapport à ce que vous disiez mardi, peut-être cet aspect culturel du mandat qui a été extrêmement important, parce que nous avons eu affaire à des hommes exceptionnels, comme Maurice Chéab et comme Henri Sérigue, qui ont construit en quelque sorte ensemble cette notion de patrimoine, aussi bien pour les fouilles que pour les musées. C'est un patrimoine qui est très riche et Marielle Pic, vous nous évoquez l'histoire même de ces collections. Je voulais vous demander d'ailleurs, dans ce département des antiquités orientales au Louvre, oui bien sûr nous pensons tout de suite à la Mésopotamie parce qu'il y a des œuvres imposantes, nous avons les taureaux et les... Nous voyons tout de suite ce côté imposant, mais il faut bien le souligner, le Liban, Beyrouth est présent, ne serait-ce que par ces relations étroites que la France entretient avec le Liban depuis des siècles. Depuis des siècles et ça continue parce qu'en fait depuis 2015-2016 le musée du Louvre a aussi relancé une collaboration avec nos collègues de la Direction générale des Antiquités et du Musée national et il était évident pour nous de commencer à travailler avec nos collègues pour essayer de les aider pour la protection du patrimoine avec ce qui s'est passé le 4 août. Et donc là, je peux vous dire que, étant donné que Louvre est étroitement associé à une association qui s'appelle Alif pour la sauvegarde du patrimoine, donc nous avons déjà, Alif a déjà donné un certain nombre de budgets importants pour arriver à restaurer dans un premier temps un certain nombre de musées. Mais je pense qu'ils continueront à aider donc les Libanais. Donc vous voyez cette collaboration que nous avons finalement depuis longtemps. C'est avec un très grand plaisir que nous la continuons donc au XXIe siècle. Voilà, avec l'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, évidemment, qui a été un moment de traumatisme, nous le savons, pour la population de manière très concrète, entre les victimes puis les gens qui perdent leur logement. Et puis la question se pose aussi du patrimoine. Ce patrimoine qui n'est pas quelque chose d'ancien, les conservateurs de musées le savent très bien, c'est quelque chose de très contemporain. Le patrimoine qui est aussi quelque chose de vivant. Le patrimoine, ce n'est pas que ce que l'on voit dans les musées, c'est quelque chose aussi d'immatériel. Et pour nous évoquer tout cet aspect de la vie culturelle à Beyrouth et puis de la création contemporaine, avec nous également aujourd'hui, Zeina Arida. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice du musée Sursoc à Beyrouth. Vous nous appelez d'où ? De mon bureau à Beyrouth, du musée. Du musée à Beyrouth. C'est le musée d'art moderne de Beyrouth. C'est le seul musée d'art moderne. Alors, vous avez travaillé dans d'autres institutions culturelles beyrouthines. Ce musée Sursoc à Beyrouth, s'il fallait le présenter en quelques mots ? C'est un musée d'art moderne et contemporain qui a ouvert ses portes en 1961 et qui a abrité dans une très belle maison construite en 1912 par Nicolas Sursoc. Donc, suite à sa mort, il a décidé que sa maison soit transformée en musée accessible à tout le monde, un peu dans la mouvance de André Malraux, l'art et l'éducation pour tous. Voilà, donc un musée d'art contemporain à Beyrouth. Dites-nous, Zeina Arida, l'explosion du 4 août a-t-elle eu des conséquences sur le musée ? Je sais que le musée est près du port, donc la façade a été soufflée, les fenêtres avec ses vitraux ont été détruits. Oui, malheureusement, je ne le savais pas, mais on est assez proche du port, on est à 800 mètres à vol d'oiseau, sur une petite colline, donc il n'y avait rien devant le musée pour le protéger et l'explosion a fait énormément de dégâts, que ce soit dans le bâtiment, comme vous avez décrit, mais également malheureusement dans les œuvres qui étaient exposées. Alors justement, pour évoquer ce patrimoine à Beyrouth, je voudrais que nous écoutions le témoignage de l'écrivaine libanaise Oda Barakat, qui en décembre 2000, dans l'émission Méditerranée, sur France Culture, évoquait ce rapport étonnant que les habitants de Beyrouth entretiennent avec leur patrimoine, une ville évidemment ancienne, une ville millénaire, mais qui ne se voit pas. Beyrouth était une ville très très ancienne. Mais dans la ville où j'étais née, je veux dire avant que la guerre ne la détruise, je ne voyais pas le temps. Il n'y avait pas de vestiges, il n'y avait rien qui me disait que cette ville, qui m'orientait vers le temps de cette ville, vers son âge, et rien d'autre qu'une forme de temps est une ville. Donc, elle était pour moi, c'est-à-dire les immeubles les plus anciens, pour moi, c'était des années 20 ou 30. Alors, en même temps, on me racontait que c'était une ville qui était très, très ancienne, qui était un port magnifique du temps des Phéniciens, c'est-à-dire il y a 6000 ans. Donc, et pour moi, elle était, même avant la guerre, c'était une ville qui n'avait pas l'air d'avoir vécu. une ville qui n'avait pas l'air d'avoir vécu. Beyrouth, c'est le témoignage d'Oda Barakat qui nous livre son sentiment. Étonnant d'ailleurs sur cette ville de Beyrouth. Zeina Arida, est-ce que vous avez ce même sentiment quand vous vous promenez dans les rues de Beyrouth de vous dire « mais l'ancienneté de cette ville ne se voit pas ». Oui, je suis un peu d'accord. On est malheureusement, c'est une triste réalité. On est dans un pays qui a une histoire très très riche, comme vous l'aviez mentionné, mais qui vit de manière presque au quotidien, qui ne regarde peut-être pas le passé ni le futur. Il y a pas de politique de préservation culturelle ou si peu. Ce sont les sociétés civiles, c'est la société civile, les initiatives des uns et des autres et les institutions qui œuvrent pour la préservation du patrimoine. Évidemment, il y a la Direction générale des antiquités qui travaille aussi sur ce secteur, mais il faut énormément se battre et dans les 10 dernières années, je peux témoigner qu'on a vu un peu une des seules manières de préserver le patrimoine bâti, c'était devenu de restaurer les maisons et de les transformer soit en restaurant, soit en lieu d'événementiel. Et nous, évidemment, on se bat énormément contre ça, parce que, effectivement, ce patrimoine bâti fait partie de notre histoire. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de 500 maisons de notre patrimoine qui ont été très touchées. Et donc la question du futur de ce patrimoine se pose encore plus qu'avant. C'est une question essentielle, celle du patrimoine à Beyrouth, parce que le patrimoine correspond à l'identité d'une ville, l'identité d'une population. Marielle Pic, en tant que conservatrice générale du département des Antiquités orientales au Louvre, quel regard vous portez sur le patrimoine à Beyrouth, au sens où, si nous promenons dans les rues de Beyrouth, il n'est pas possible de voir autant d'antiquités que la ville devrait en révéler, ville millénaire? Alors en fait, je réagis en archéologue, évidemment, puisqu'en fait, nous travaillons avec grand plaisir avec la Direction générale des Antiquités. Et vous savez qu'il y avait ce projet de faire un immense musée construit par Enzo Piano, donc on devait appeler le musée du centre-ville, puisqu'en fait, à la fin de la guerre, il y a eu cette possibilité pour nous, archéologues, qui pouvons enfin faire des trous à la place des immeubles. Il y a eu environ 300 fouilles au centre de Beyrouth, et l'idée de Enzo Piano, qui, normalement, le musée devait commencer à être construit à partir de cette année, je crois, était effectivement d'avoir une vue sur le parc archéologique. Donc, ce qui répondrait à la question de ma collègue du musée Sursoc. Et puis, il y a une autre manière aussi qu'a entamé la DGA depuis 1991. La DGA. Pardon, Direction Générale des Antiquités. C'est d'essayer de pas forcément mettre tout le patrimoine à Beyrouth, mais de créer aussi des musées de site, c'est-à-dire que vous trouvez un musée à Baalbek, un musée à Byblos, un musée à Tyr, etc. Donc, d'essayer de montrer le patrimoine du Liban autrement qu'à Beyrouth. Voilà, le patrimoine du Liban ne se résume pas à Beyrouth. Alors, il y a le musée national de Beyrouth, bien sûr, mais l'ensemble de la région est riche. Et l'ensemble de la région est riche, mais souffre d'un manque de soutien, parfois de l'État. Je vous propose d'écouter, et ça nous rapporte vraiment à tout ce que nous évoquions par rapport au Louvre, la voix d'André Parot. André Parot, archéologue, directeur du Louvre, fin des années 60, années 70, il a dû croiser Belphégor et André Parot dans l'émission Heure de culture française en avril 1951. Évoquait le Liban, évoquait cette richesse archéologique au Levant. À quelques 40 kilomètres au nord de Beyrouth, la petite ville de Djebail égrène ses maisons blanches au milieu des jardins, au bord de la mer et à l'ombre de la tour carrée d'un château décroisé. Le voyageur non averti ne se douterait pas qu'il passe à côté d'une des plus anciennes villes de Phénicie, la Gebal cananéenne, la Byblos des Grecs, dont Philon, qui y était né, écrivait qu'elle avait été fondée par Cronos en personne. C'est à Renan que l'on doit la première exploration scientifique du site. Entreprise en 1860, les travaux avaient d'une part permis l'identification définitive Djebaï, Byblos, Gebal, d'autre part révélé que l'influence égyptienne avait fortement marqué ce coin de terre phénicienne. André Parot, donc directeur du Louvre, archéologue, qui en 1951, il n'était pas encore directeur du Louvre, hein, dans l'émission Heure de Culture Française, évoque le Liban. Marielle Pic, c'est vrai que quand nous entendons cela, nous avons une présentation du patrimoine libanais tel qu'elle peut l'être dans un musée, c'est-à-dire décontextualiser de la complexité du terrain. Il est difficile au Liban, ne serait-ce qu'à cause des guerres, de la reconstruction elle-même, hein, qui a été problématique, de mettre en place des programmes de patrimoine, d'où l'importance également de la coopération entre tous les musées, le Louvre notamment. Alors, nous sommes particulièrement contents puisque nous avons établi depuis 2 ans une convention de partenariat avec nos collègues de la DGA, Direction Générale des Antiquités, pour fouiller à Byblos. Donc, on a un grand plaisir de travailler puisqu'en fait, pour nous, il n'y a pas de frontières, hein, du tout. Donc, vraiment, d'étudier ensemble ces lieux pour arriver à présenter les choses autrement et peut-être justement dans ces collections partagées qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir des expositions ensemble. Nous avons prévu de faire un colloque international le 21 octobre 2021 puisqu'en fait c'est le premier coup de pioche de Pierre Montet à Byblos. Donc j'étais particulièrement intéressée d'entendre André Parot sur ce sujet. Alors justement, ce patrimoine qui existe dans nos musées, qui existe dans les musées à Beyrouth et au Liban en général, est un patrimoine qu'il faut mettre en valeur, exposer et diffuser, laisser au public la possibilité de découvrir ses œuvres. Et ça, c'est également ce que vous vivez, vous, Zaïna Harida, parce que vous dirigez le musée Sursoc. Ce musée Sursoc, qui a souffert de l'explosion d'août 2020, a une histoire en tant que musée même. Cette histoire, c'est un peu ça, c'est donner de la vie culturelle à Beyrouth. Qui est cette famille Sursoc? La famille Sursoc est une famille de rentiers qui était propriétaire de terrains, qui étaient des commerçants, propriétaires de terrains dans plusieurs pays dans la région, et qui a construit une très grande partie des demeures dans le quartier. D'ailleurs, la rue a le nom de la famille. Et justement, le musée aujourd'hui, le musée Sursoc, c'est j'allais dire une des demeures de la famille, parce qu'il y a le palais juste à côté. Quelle est la valeur patrimoniale de ce monument? Parce que le bâtiment lui-même est extrêmement intéressant. C'est toujours important dans les musées, hein, de regarder le bâtiment, parce que le bâtiment a une histoire. Le bâtiment est sublime. Le bâtiment est important. Son architecture est une architecture à la fois traditionnelle libanaise, mais empreinte d'influence vénitienne, ce qui fait sa particularité. Elle ne ressemble pas aux maisons libanaises traditionnelles. Mais le bâtiment qui abrite le musée Sursoc est aussi intéressant parce qu'il y a eu un très grand projet de rénovation et d'extension menée il y a une dizaine d'années sur lequel c'était Jean-Michel Villemotte, l'architecte. Et donc, le musée est à Beyrouth et nous discutons avec Beyrouth avec des interruptions de connexion. Mais excusez-moi, juste, le musée a réouvert avec... Alors, le musée a réouvert, mais écoutez, juste le temps de rétablir la connexion, Zaïna Harida, je vous propose de rester au musée Sursoc, mais d'y aller dans l'émission Bouillon de Culture en 1994 avec Bernard Pivot. Cette semaine libanaise continue sur France 2 avec cette émission qui est enregistrée à Beyrouth au musée Sursoc. Nicolas Sursoc est un Libanais du début du siècle, un dandy proustien, comme vous pouvez le voir, très riche, très cultivé. Et en 1912, il s'est fait construire cet hôtel particulier, ce petit palais avec son salon arabe, qui est l'un des plus beaux qui soit. Vous voyez évidemment les arcades, les boiseries damascènes, ces vitraux en forme de rosaces. Et puis bien sûr le traditionnel liwan, la banquette pour la conversation. Et puis au premier plan, une jarre à huile qui est très rare parce qu'elle date à peu près du 8e siècle, enfin entre le 9e et le 10e. Et puis à l'entrée, à l'entrée donc de ce musée sur Soc, le premier exemplaire du Coran imprimé en 1694 chez Abraham Inkelmans à Hambourg. Au premier étage, au-dessus, donc au-dessus de nous, il y a une grande salle avec qui accueille les œuvres des peintres libanais contemporains. Des œuvres par des peintres libanais contemporains, mais nous étions en 1994 dans l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot. Cette notion de contemporain est toujours intéressante parce que c'est contemporain, mais c'était en 1994, ce qui permet de dire que aujourd'hui le temps a passé et il y a toujours cette vivacité culturelle. C'est quelque chose qu'il faut sans cesse souligner, Zeina Harida, c'est que la vie culturelle et le patrimoine à Beyrouth est quelque chose qui se construit aujourd'hui encore au quotidien malgré les difficultés. Oui, certainement. Et le grand drame de cette explosion, c'est que il a touché un quartier qui est le quartier, qui est le cœur en fait de la vie culturelle et artistique à Beyrouth. Et c'est ça le gros drame. Ce que j'aime toujours dire, c'est que le quartier de qui sont autour du port Jemaisé, Marem Khayel, Sursok, Saint-Nicolas sont des quartiers qui ont été investis par à la fois des artistes. Il y a plus de 150 artistes qui ont leur studio ou leur appartement dans ce quartier, une cinquantaine de musiciens, plus de 40 institutions, et tous ont été touchés par cette explosion. Et si vous voulez, on a eu la possibilité, l'opportunité, en tant que justement projet culturel, d'investir ces lieux de patrimoine, de les investir et d'y vivre et de les faire vivre à travers beaucoup d'activités et de projets. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut aussi éviter de se retrouver dans un Beyrouth qui soit rénové et qui ne soit pas vivant, comme un peu le centre-ville aujourd'hui, malheureusement. Oui, c'est une question d'ailleurs qui traverse les décennies. Nous évoquons ce musée sur Soc, donc dans un bâtiment qui date des années 1920, avec déjà une volonté de diffuser le patrimoine, mais le patrimoine contemporain, celui qui se crée au XXe siècle, mais pas seulement, d'aller encore plus loin. Zeina Harida, oui. Allez-y. Pardon, je disais que les projets que le musée, les expositions que le musée présente, effectivement, se tournent beaucoup vers l'art moderne, également contemporain. Mais l'année dernière, nous avons fait, par exemple, une recherche très importante avec une exposition autour de Baalbek, en essayant de réfléchir à cette ville tellement importante, au rôle que à l'histoire écrite autour de justement l'archéologie et toutes les strates d'histoire, mais on a regardé ça d'un point de vue non seulement archéologique mais également sociologique, historique et même ce que Baalbek symbolise pour la nation libanaise, et donc le musée est intéressé par ces projets de lier le passé au présent et au futur, et c'est, je pense, un peu la force de ce musée, c'est sa continuité. Le musée fêtera ses 60 ans l'année prochaine, et dans une ville qui a une histoire tellement interrompue, qu'il n'y a presque pas de transition dans les différents chapitres de son histoire, cette continuité est primordiale. Oui, Marielle Pic, vous ressentez aussi cette spécificité patrimoniale autour de Beyrouth, du Levant. En tout cas, dans les collections du Louvre, il y a cette volonté de bien montrer qu'ici, nous sommes dans un monde qu'il ne faut pas englober dans d'autres mondes, dans d'autres civilisations. Il y a une richesse, ne serait-ce que par la situation de Beyrouth, ce carrefour méditerranéen. Alors, je voulais aussi répondre à Zeina, parce qu'en fait, je crois qu'on a la même recherche entre les personnes qui s'occupent de l'art contemporain et l'archéologie. En fait, on recherche les traces de l'humain. Et je pense que ça, c'est vraiment notre moyen commun d'essayer d'évoquer le patrimoine. Et donc, chez nous, le Levant est une passion depuis très très longtemps de la France, parce que justement cette foultitude de d'influences et de croisements et de commerce et de méditerranéen, en fait cette ouverture vers la Méditerranée est quelque chose d'absolument passionnant. Et c'est vrai que un département archéologique au Louvre n'a pas grand-chose à voir avec un département de beaux-arts, puisqu'en fait nous on veut vraiment évoquer les civilisations, c'est-à-dire les hommes et comment ils vivaient et comment ils se présentaient. Voilà, carrefour humain, homme, carrefour de culture, carrefour de commerce aussi, mais le commerce crée des rencontres. Les rencontres ont créé cette ville de Beyrouth. Et c'est vrai que Zaina Harida évoque cette histoire continue avec ces heures que sont les guerres, l'explosion récente ou la reconstruction elle-même qui pose problème. Je vous propose de rester à Beyrouth pour écouter le titre Erzan du groupe Soap Kills, donc groupe libanais, avec cette évocation soap, la propreté, le savon, et Kills, la mort. Mais c'est un peu ça à Beyrouth, c'est cette volonté sans cesse, après la destruction, de reconstruire. C'est dans le cours de l'histoire sur France Culture. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le titre Erzan dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Aujourd'hui, le cours de l'histoire s'intéresse au patrimoine beyrouthain. Oui, Beyrouth riche de patrimoine, un patrimoine que l'on ne voit pas tant que ça, un patrimoine qu'il faut mettre en valeur et un patrimoine qui doit lutter pour être conservé. En tout cas, les acteurs du patrimoine doivent lutter pour conserver et montrer ce patrimoine. C'est quelque chose de très important, Zaina Harida. Le patrimoine est une chose, mais c'est le dialogue qui s'instaure avec les contemporains qui est important. Il y a un attrait des Beyrouthains pour leur patrimoine. Il y a un intérêt pour ce que recèle cette ville. C'est important de savoir cela parce que depuis que nous parlons dans le cours de l'histoire sur Beyrouth, nous entendons régulièrement que lors de la reconstruction, le patrimoine n'a pas été suffisamment pris en compte. Alors les Beyrouthains vivent de quelle manière en fait ce rapport au patrimoine ? Les Beyrouthains sont malheureusement, il est difficile de parler des Beyrouthains parce que on a une société très variée et donc il y a toute une partie de la population qui estime ce patrimoine et qui pense qu'il est très important de le préserver. Et je tiens à souligner que le patrimoine inclut aussi toute l'architecture superbe qu'on a à Beyrouth des années 50 et 60. Et malheureusement, les promoteurs immobiliers, les gouvernements qui sont passés n'ont pas du tout. Enfin voilà, l'argent prend toujours le dessus. Donc c'est une lutte continue pour mettre en valeur ce patrimoine et le préserver. Et c'est une lutte qui se passe au niveau de la société civile, en fin de compte, en grande partie, comme la plupart des actions menées, qui ont des répercussions positives. C'est la société civile qui tient le patrimoine, je pense. Et bien justement, en écho à cette lutte que vous évoquez, Zeina Arida, cette lutte menée par la société civile, je vous propose d'écouter l'architecte Jacques Mézot qui évoque les journées du patrimoine au Liban. Oui, c'est dans l'émission Vivre sa ville. Alors ça a été diffusé en septembre 2003 sur France Culture, mais que sont les journées du patrimoine au Liban ? Il existe ce qu'on appelle la journée du patrimoine au Liban. Malheureusement, en gros, ça se résume à une sorte de commémoration qui est organisée par des dames patronesses dans un hôtel où il y a quelques petits discours et puis un cocktail. Alors ça touche personne, ça n'a pas beaucoup d'influence, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Alors, il y a une association qui s'appelle l'APSAD, l'Association pour la protection des sites au Liban, qui est une organisation extrêmement active de défense du patrimoine. Ces manifestations qui sont organisées par l'APSAD ont eu énormément de succès, essentiellement auprès des publics jeunes. Parce qu'il faut comprendre qu'au Liban, la question du patrimoine est de plus en plus portée par la jeunesse, qui commence à dire, bon, ça suffit, cette reconstruction qui démolit toute la mémoire de nos villes, qui est en train de d'esquinter complètement tous les sites naturels. Il faut quelque part essayer de protéger ces choses-là. Marielle Pic, la conservatrice archéologue que vous êtes, porte un regard évident sur le rapport d'une population à son patrimoine, sans doute, mais je pense aussi d'une administration ou les choix politiques faits autour du patrimoine. Quel est votre regard sur Beyrouth ? Il y a une attention sur le patrimoine suffisante, selon vous, quand Zeina Arida évoque l'architecture comme élément majeur du patrimoine. C'est vrai que les bâtiments anciens sont détruits à Beyrouth. Oui, effectivement, je confirme ces difficultés qu'ont mes collègues de la Direction Générale des Antiquités qui se battent tous les jours, comme disait Zeina, pour essayer de sauvegarder ou un bâtiment encore plus ancien. C'est vraiment quelque chose quotidien qui, effectivement, est plutôt un fait de gens passionnés qui sont ou directeurs de musées ou archéologues qui vont se battre pour ça. Je voudrais citer Sarkis El Rouri aussi, le directeur des Antiquités, qui se bat pour arriver à sauvegarder tout ça. Mais c'est quand même très difficile pour eux par rapport, à l'argent qui est en face d'eux, ou aux politiques, comme nous le savons maintenant. Mais je compte sur leur ténacité, parce qu'effectivement, c'est une équipe assez extraordinaire, mais qui essaie de se battre comme ils peuvent pour mettre en valeur la partie archéologique des cités. Oui, parce que il y a toute une réflexion politique autour du patrimoine, et nous voyons bien que des pays qui ont fait le choix du tourisme, je pense à l'Égypte évidemment, met en avant sans cesse son patrimoine, et c'est vrai que pour le Liban et Beyrouth, le choix du tourisme est plus complexe, ça a une incidence sur le patrimoine, alors que Marielle Pic, je suis sûr que vous allez me le confirmer, Beyrouth est une ville exceptionnelle. Beyrouth est une ville absolument exceptionnelle, comme vous l'avez dit, carrefour des civilisations, depuis l'âge du bronze moyen, facilement, c'est-à-dire vers 2000 avant Jésus-Christ. Donc on a toutes ces traces-là, grâce aux fouilles qui ont été faites après la guerre. Et donc c'est tout ça qu'on a envie de mettre en valeur. Oui, cette mise en valeur du patrimoine, d'ailleurs, évidemment, est prise en compte par les autorités au Liban, notamment avec un musée national, parce que il faut un musée national dans tous les pays. Il y a la mise en place d'un musée national. Alors parfois, il est plus difficile à faire vivre qu'ailleurs. Écoutez ce qu'explique Camille Asmar, directeur général des Antiquités. Alors, ancien directeur général des Antiquités. C'était en août 1992 dans l'émission Carnet de voyage sur France Culture. Et vous savez, dans le temps, ce musée était un des bijoux du Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des objets rares de toutes les périodes. Vous voyez là, les dégâts, pas seulement sur le bâtiment, mais des dégâts aussi sur les objets. Et 17 ans de guerre, ce n'est pas une période facile. Nous avons commencé déjà, comme vous voyez maintenant, de restaurer le bâtiment. Nous avons demandé même à l'UNESCO, parce que nous sommes membres de l'UNESCO aussi, nous avons demandé à l'ICOM, qui est le Comité international pour les musées, d'avoir leur aide technique. Vous savez, après 15 ans de guerre, 16 ans, nous avons besoin maintenant de reprendre, d'avoir des spécialistes dans tous les domaines dont nous manquons actuellement à cause de la guerre et à cause même de problèmes économiques dont nous passons, vous savez, la dévalorisation de la livre libanaise par rapport au dollar. Camille Asmar, qui était alors directeur général des Antiquités au Liban, évoquait en 1992 le musée national. Nous étions en 1992 et Camille Asmar dit qu'il avait besoin de rénovation, ce qui s'est produit. Hein. Donc le musée a été rénové énormément et ce qui avait été un bijou, qui avait un peu perdu de sa splendeur, est vraiment redevenu quelque chose de sublime avec tous ces sarcophages qui nous impressionnent. Avec notre regard, nous les voyons et nous disons, tiens, c'est égyptien. Mais non, non, non, c'est bien du Levant. Marielle Pic, ce musée national a lui aussi souffert. Il souffre, on va dire, globalement de ce manque de tourisme à Beyrouth. Il souffre sans doute de moyens, mais la rénovation a été splendide. Elle est toute récente. Hein. La rénovation est absolument splendide. Elle a été faite en deux temps, hein, parce que le rez-de-chaussée et le premier étage ont été ouverts en 1997, grâce à la muséographie de Wilmot également. Et en 2017, la partie en sous-sol a été réouverte. C'est absolument sublime. Et vraiment, c'est un musée qui a su aussi marquer, on parlait de mémoire, hein, marquer la mémoire de, puisque vous savez que ce musée était sur la ligne de démarcation, donc rue de Damas, et les responsables du musée ont souhaité garder le trou fait dans une mosaïque d'un sniper qui tirait sur la rue de Damas pour essayer d'avoir une mémoire de ce moment. Comme vous le savez, l'ouverture aussi de la Maison Jaune, hein, que l'on appelle Beit Beyrouth, et qui est cette mémoire conservée de la guerre, et avec une volonté de l'architecte libanais de garder toutes les traces de cela. Donc, on pourrait dire que toutes les périodes de vécu de Beyrouth sont conservées aussi jusqu'à aux périodes les plus difficiles et récentes. Oui, le musée comme lieu de mémoire et presque de réconciliation. Parler du patrimoine et regarder notre patrimoine commun est un élément de discussion et de dialogue. Zeina Arida, il y a aussi toujours cette démarche dans les musées. Hein. Vous qui dirigez le musée Sursok, donc à Beyrouth, en exposant des artistes contemporains, en montrant ce patrimoine libanais, vous faites œuvre de dialogue et donc de réconciliation. Oui, je pense que ce qui est important aussi de noter par rapport au musée Sursok, c'est que c'est un des rares musées, voire le seul musée d'art qui en plus a les équipements qu'il a, un auditorium, une bibliothèque, des salles d'exposition de tailles diverses, et qui permet au musée Sursok de jouer le rôle un peu de plateforme pour une collaboration avec les artistes, les collectifs, les associations. Et donc c'est un peu ce rôle de presque musée public hein, que le musée Sursok joue. Oui, parce qu'il est gratuit. Il est gratuit d'accès, il a une mission, c'est un musée qui a un statut hybride, hein, qui est entre le musée public et privé. Il est géré comme un musée privé, une association, mais il a une mission totalement publique. Et le rôle qu'il joue est important parce qu'il est un lieu d'échange justement. Et nous tenons également à exposer, pas seulement on travaille avec des artistes aussi régionaux et internationaux, c'est la collection permanente du musée qui est dédiée aux pratiques artistiques libanaises. Cependant, la programmation du musée est riche d'échanges internationaux également. Oui, Zeina Arida, vous avez tout à fait raison de souligner ces échanges internationaux parce que dès que nous parlons du Liban et de Beyrouth, il y a aussi cette question qui s'instaure immédiatement. C'est dans le monde de la culture, les échanges sont internationaux. Mais pour le Liban, il y a aussi la question de cette diaspora. Et ces échanges sont importants avec la diaspora libanaise dans le monde entier. Pour le musée Sursok, c'est le cas aussi. Oui, nous travaillions sur un projet autour de l'hospitalité et l'échange entre le Brésil et le Liban. Brésil, donc, qui est un des pays où il y a une communauté libanaise très importante. Et je pense que effectivement, ce que je voulais aussi noter, c'était juste rappeler que le musée Sursaug a fait une très belle collaboration avec le musée national Picasso Paris, et qu'on a pu, on a présenté une exposition autour de Picasso et la famille qui s'est terminée tout juste en janvier 2020. Et donc l'échange se passe beaucoup aussi avec d'autres musées et d'autres pour présenter des artistes qui sont très importants pour l'histoire de l'art et pour les présenter au public libanais. Oui, ce qui est essentiel, hein, c'est toujours la diffusion du patrimoine, et c'est ce qui vous intéresse vous aussi, Marielle Pic. Hein. Vous êtes conservatrice au Louvre, c'est pas juste conserver, être conservateur. Non, c'est échanger, vous avez raison, ce terme est exact, c'est-à-dire d'essayer, maintenant nous avons quelque chose d'extraordinaire qui est le numérique, et ça nous permet de créer des visites virtuelles avec nos collègues libanais. Et puis, nous évoquons beaucoup les musées, donc les œuvres d'art, que ce soit antiquité, que ce soit création contemporaine, mais le patrimoine, c'est aussi ce qui est vivant. Et ce qui est vivant parfois, même pendant la guerre. Écoutez cette archive du journal télévisé d'Antenne 2, c'était le 20h d'Antenne 2, en avril 1989, qui évoquait, oui, la révolution libanaise avec du cinéma. Kartaba. 50 km de Beyrouth, à 800 mètres à peine des premières positions syriennes. Aujourd'hui, il y a cinéma à Kartaba. C'est la première fois et c'est la Marseillaise de Jean Renoir. Cet homme est professeur de français à Beyrouth depuis 17 ans. Il est venu se réfugier ici avec sa famille. Il ne supportait plus les bombes. Avec ce film prêté par le Centre culturel français, il a voulu que les gens du village parlent révolution et liberté. Nous avons étudié dans nos livres nos ancêtres les Gaulois. On n'a pas étudié nos ancêtres les Syriens, nous autres. Or, nous autres, nous ne voulons ni de mandat français, ni de mandat syrien. Nous voulons être libres. La révolution française, c'était la naissance de la liberté. Une révolution sans l'intérieur de chaque personne qui aime la liberté, qui cherche la liberté et l'indépendance. Un extrait du journal télévisé de la deuxième chaîne de télévision française, le 14 avril 1989. Oui, le cinéma, nous entendons, c'est la Marseillaise. Et puis, c'est aussi le français, c'est la francophonie. Zeina Harida, c'est important aussi à mettre dans tout ce que nous disons, ces échanges facilités entre le Liban et la France pour le patrimoine par la francophonie. Oui, bien sûr. Également, nous, au musée Sursaug, on est trilingue. On essaye de présenter tous les cartels autant que possible dans les trois langues les plus utilisées, donc l'arabe, le français, l'anglais. Oui, très important. Et la francophonie, c'est une culture. Je pense que au-delà de la langue, c'est vraiment une culture dont on est assez emprunt au Liban et qu'il est important de préserver aussi. Et puis une histoire, hein, parce que Marielle Pic, vous évoquiez ce regard porté par les Français à la fin du 19e siècle, avec l'intervention en 1860 de Napoléon III, qui avait envoyé quelques scientifiques. Mais ça, c'est chez les Napoléons, c'est toujours, on envoie quelques scientifiques avec les expéditions militaires. Renan, mais c'est une histoire en continu, c'est un dialogue en continu, un dialogue entre archéologues au Liban et en France. Et ce dialogue se poursuit avec, j'imagine, un soutien sans cesse du Louvre, notamment actuellement quand les musées sont en souffrance, et les musées ont pu souffrir, je pense, à l'explosion d'août 2020. Comme je vous le disais effectivement tout à l'heure, grâce à des associations du type Alif, mais il y a une institution que j'ai oublié de citer qui est extrêmement importante aussi dans ce soutien, c'est l'Institut National du Patrimoine, qui permet, je dirais, à certains Libanais de venir faire des études très précises sur des sujets comme la restauration, mais aussi à certains Français de partir au Liban pour arriver à ce qu'il y ait ce contact permanent entre la France et le Liban. Et puis avec, sur le patrimoine. Voilà, sur le patrimoine, hein, avec toujours cette idée de ne pas limiter le patrimoine à ce qui est dans